Dans mon atelier protégé, j'emballe les brosses à dents, j'emballe mon cœur, j'emballe tout. Dans mon atelier protégé, j'emballe du shampoing, rien que pour les hommes, rien que pour Johnny. Dans mon atelier protégé, à côté de lui, j'emballe tout. J'emballe tout. Dans mon atelier protégé, le rendement, ça rend méchant. Johnny, il est parti. Johnny, le clown blanc. Dans mon atelier protégé, c'est charmant, mais ça c'était avant. J'aime mon amant, mais ça c'était avant. Johnny le clown blanc, mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant. Johnny, Johnny, il m'a fait tourner la tête. Johnny, j'ai plus envie, c'est fini. Travailler vie, j'ai plus envie.